Je me réveille, pas de lumière dans le coin. Un peu de flotte, de la roche et puis rien. Dans les méandres de cette caverne, je me suis perdu, ça me fout les nerfs. Sauver les mimigas d'un méchant docteur. Détruire les feux rouges pour les sauver à cette heure. Qui c'est ce Balrog? Où est les Curly? C'est vraiment plein de bugs, cette cave story. Et l'on résiste, on bat tous les boss. Et ce gros toaster qui vient m'embêter, pas une seule fois je lui fous assez de boss. Mais v'là qu'il devient un allié. Qui c'est Misery? C'est une sorcière. Elle enlève Toroko qu'elle envoie dans les airs. Le chef Mimiga avec sa lame grise qu'il me confiera dans cette cave story. Il s'invite quand on l'attend pas. V'là le docteur et le cœur de l'île. Cette crapule, il l'a zombifié. Jamais plus on s'en sortira. Heureusement, je suis là, armé de mes flingues. J'ai une casquette rouge, tel un plombier italien. Sous Sardo d'ici, fait naître un dragon. J'ai l'air un peu con dans cette cave story.